La Croche-Oreille vous est présentée par Avatar, le centre d'artistes en art audio et électronique. Alors, salut tout le monde, bienvenue à La Croche-Oreille, édition du dimanche 22 janvier 2017. C'est un plaisir de vous retrouver ce soir. La Croche-Oreille, ben, c'est l'art sonore sous toutes ses formes. Je dirais, parfois ça ressemble à de la musique, parfois ça ressemble à des sons de la ville, des sons de la nature, parfois c'est du bruit en direct, parfois c'est du bruit synthétique fait par des machines, d'autres fois c'est du silence, avec des murmures, avec des bruissements, avec des cris. Vous l'avez compris, la Croche-Oreille, c'est de la sono un peu atypique, c'est de la sono qui est toujours sympathique, et c'est des œuvres qui sont créées par des artistes. Alors, ce soir, j'ai le plaisir de vous présenter un entretien que j'ai fait avec Jocelyn Robert. Une entrevue qui a porté sur le rendu sonore d'une installation vidéo intitulée Beluga que Jocelyn Robert présentait à la bande vidéo en septembre 2016. Jocelyn Robert, pour vous le rappeler, c'est un artiste multidisciplinaire de Québec qui a de nombreuses œuvres à son actif. On l'a vu performer comme performeur. Il a fait des installations l'automne dernier ou un peu avant, présenté une expo au Centre Vue, une exposition de photographie. C'est un vidéaste également. Mais il faut dire qu'on le reconnaît depuis plusieurs années comme un artiste audio. Il a regroupé des artistes pour fonder le Centre Avatar il y a déjà plusieurs années. Ça remonte à 1993. Et il a produit quantité d'œuvres sonores qu'on retrouve sur une trentaine de disques et de compilations. Donc, j'avais le goût de vous présenter ce travail présenté à la bande vidéo qui s'intitule Beluga et qui s'inscrit dans la foulée des recherches ou peut-être des investigations, devrait-on dire, de Jocelyn sur les images médiatiques qu'on retrouve sur le web, sur Internet. Alors, Beluga, c'est une allégorie. C'est un poème visuel qu'on peut qualifier d'aquatique parce qu'il est question du mammifère marin. C'est un projet qui résulte de la combinaison de milliers d'images numériques qu'il a trouvées, repêchées sur le web et d'une trame sonore immersive tirée d'un album qui est paru en 2012 et qui s'intitule Versunenskirche. De ce nom allemand, la traduction, c'est cathédrale ou église, plutôt je devrais dire église de la réconciliation. Avant de vous présenter cette entrevue, je vous fais tout de même lecture d'une réflexion de Jocelyn Robert à propos de cet album qui évoque la destruction de l'Église de la Réconciliation à Berlin en 85. La fraîcheur limpide des harmoniques monte lentement dans l'air du soir, prend un peu de l'assurance. Chaque note s'épanouit comme une fleur sonore accompagnée par une corolle d'autres notes avec lesquelles elle entre en résonance dans un savant contrepoint. Alors, sur ces notes de Jocelyn Robert, va suivre cette entrevue que j'ai faite avec lui il y a plusieurs semaines maintenant. Jocelyn Robert, bienvenue à La Croche-Oreille. Merci. Jocelyn, tu présentes actuellement une installation à la fois immersive, à la fois vidéo, à la bande vidéo. Ça s'intitule Beluga. J'aimerais que tu nous parles de la genèse de ce projet qui s'intitule Beluga avec un S. Ben, c'est suite à un autre projet qui s'appelait Blue Empire New York Babel Billboard, je m'excuse du grand titre, mais qui était un projet que j'ai fait il y a quelques années à partir d'images trouvées sur Google. L'idée étant que quand Google nous présente des images, il ne les présente pas au hasard. Hein? Alors, je voulais voir comment la structure apparaissait, comment on pouvait faire voir la structure de la présentation d'images que Google nous fait. Je suis parti donc à l'époque avec une image de l'Empire State. J'ai avec Myriam Lambert, qui était assistante, nous avons sorti 3600 images dérivées de cette image-là, que j'ai ensuite réassemblées dans un logiciel que j'ai fait pour que ça devienne une vidéo. Et on avait une certaine vision de l'Empire State. Bon, première étape. Après ça, je me suis intéressé à d'autres présentations d'images, mais curieusement, en ligne avec ce que Dominique Gagnon a fait récemment, tu te souviens peut-être le projet de vidéo qu'il a fait sur les Inuits, et puis ça a été un tollé, on ne présente pas cette image-là, alors que personne n'a compris que le film de Gagnon n'était pas sur les Inuits. Il était sur la représentation que l'on fait dans les médias sociaux des Inuits, ce qui est complètement autre chose. La représentation que l'on fait dans YouTube des Inuits. Alors, cette idée-là m'était restée. Au début, j'avais pas ce point de vue critique-là. Je regardais juste Google. J'étais critique, mettons, par rapport à Google. Mais je me suis dit, OK, par exemple, les Belugas, tout le monde en parle. C'est un problème, c'est une solution, c'est une richesse, mais c'est un empêchement, etc. Et en fait, tout ce qu'on sait des Belugas, c'est ce qu'on voit dans les médias, dans les livres, dans les photos. Alors, ça m'a intéressé comme ça, qu'une entité ou qu'une race puisse être aussi importante, qu'on l'ait tellement à cœur et que personne n'en ait jamais vu un de proche. Ça, j'ai trouvé ça intéressant. Donc, j'ai fait une nouvelle vidéo à partir des images de Google. Dis-moi, Jocelyn, est-ce qu'on pourrait considérer ce travail-là comme un travail qui est engagé sur le plan politique? Et est-ce que c'est nouveau dans ton travail ou encore il y a quelque chose qu'on a moins vu dans la démarche de Jocelyn Robert à cet égard-là? Les regardeurs le voient, donc il est là. Hein? C'est pas à moi de dire ce qu'il y a dans l'ouvrage. Mais je te dirais, il y a plus un regard politique au deuxième sens. C'est-à-dire que, bon, les Belugas, leur problème instantané de est-ce qu'il va y avoir un port, est-ce qu'il n'y en aura pas, est-ce que la population diminue, est-ce qu'elle diminuera pas, c'est une chose instantanée qui m'intéresse un peu moins. Mais comment nous, on regarde des images médiatiques et on arrive à croire que c'est quelque chose que l'on connaît, ça aussi, c'est politique. Jocelyn, j'ai trouvé que c'était paradoxal parce qu'en lisant les communiqués sur l'exposition qui était présentée à vue ainsi qu'à la bande vidéo, c'est qu'on dit que très peu de choses sur l'environnement sonore de ces deux projets. Et j'aimerais que tu nous parles de ces environnements sonores de Blue Empire et de Beluga, une œuvre, je pense, réalisée avec le disque clavier. J'aimerais là aussi connaître un peu le cheminement de cette voix. C'est assez typique des autres vidéos que j'ai faites où il y a du son, parce que j'ai fait beaucoup de vidéos où il n'y a pas de son. Quand il y a du son, c'est rarement un son qui a été fait pour la bande en question. Alors, dans le cas de Beluga, et la présentation, et la trame sonore, parce que c'était prêt en juillet, j'arrive de voyage fin août, j'arrive à la bande vidéo, on installe, et ça ne fonctionne pas. Et le mode de présentation, et la trame sonore. On est mardi, le projet est présenté vendredi. Et assez typiquement, la trame sonore que j'ai faite spécifiquement pour le projet ne l'enrichit pas. Elle n'ajoute rien. Elle supporte, mais elle n'ajoute rien. Et ça, c'est pas quelque chose qui me plaît beaucoup. Alors, toute la semaine, j'ai réessayé différentes choses. Et cette pièce de piano-là est une pièce que j'ai faite dans une autre circonstance pour complètement un autre projet. Et je me suis rendu compte que, évidemment, comme c'est le même auteur, ben la structure et jusqu'à un certain point le propos sont similaires. Ils décrivent deux situations différentes, mais d'un même point de vue. Donc, les mettre côte à côte, bien, à mon sens, ils s'enrichissent l'un et l'autre. Jocelyn, en terminant, je vois que tu portes un chandail bleu. C'est bleu électrique. C'est vraiment très beau. Pourquoi les images sont bleutées? Le premier titre, c'est Blue Empire. Évidemment qu'on voit que l'univers du Beluga baigne aussi dans le bleu. C'est un hasard que cette référence à la couleur. Je pense qu'il y a deux choses. Il y a une partie de hasard, donc la photo pour Empire State, la première photo était bleue, et quand Google cherche pour trouver des images similaires, ils tiennent compte de beaucoup de choses. Leur algorithme n'est pas public, on s'entend. Mais il y a la question des mots-clés, il y a la question de la forme géométrique, du contraste dans l'image, des couleurs de l'image. Donc comme l'image initiale à partir de laquelle j'ai cherché était bleutée, les autres ont été bleutés aussi. Un peu pareil pour Beluga. Cependant, il y a une question de traitement. Les traitements, les outils que j'utilise ont tendance à bleuir l'image. Je pourrais m'en débarrasser. Pour le moment, dans ces deux projets-là, ça m'a intéressé que ça joue un peu comme liant entre les images disparates qui avaient été amassées. Et Jocelyn, merci beaucoup. En terminant, on va entendre un extrait de Beluga. Ah, merci beaucoup. Alors, on vient d'entendre une pièce tirée de l'album intitulé Fersunenskerke, la plage numéro 1 du CD réalisé par Jocelyn Robert, qui accompagnait l'installation qu'il a présentée à la bande vidéo l'automne dernier, une installation au titre aquatique, une installation intitulée Beluga. Alors, on va prendre une pause et je vous reviens pour la suite de l'émission. ckrl.qc.ca. La Croche-Oreille vous est présentée par Avatar, le centre d'artistes en art audio et électronique. Alors voilà, on est déjà de retour pour la deuxième partie de l'émission, La Croche-Oreille. Alors, pour ceux qui veulent poursuivre l'écoute des œuvres audio de Jocelyn Robert, on peut retrouver beaucoup de compilations, beaucoup de ses productions sur le site de Jocelyn qui s'intitule jocelynrobert.com. Vous allez trouver tout ce qu'il a réalisé comme artiste en art audio, en installation, en performance. Alors, c'est une invitation que je vous fais. Alors, La Croche-Oreille, c'est le son sous toutes ses formes. Alors, je vous propose en deuxième partie d'émission deux pièces qui sont tirées de l'album T. La lettre T, un album réalisé par le collectif I Lost the Fish. Alors, qu'est-ce que c'est qu'I Lost the Fish? Je dirais que c'est un projet un peu mystérieux. Une histoire de famille, je dirais, qui regroupe plusieurs artistes et qui est dirigée par Olivier Landry-Gagnon et Jocelyn Robert. Alors, quand on va sur le site I Lost the Fish, on nous raconte que pour la réalisation de cet album intitulé T, c'est des sons qui ont été cuits dans une cuisine, remixés dans une autre, et le processus a été répété jusqu'à ce que le repas soit prêt. Alors, je dirais que ce sont des sonorités qui donnent l'appétit. Alors, ce que je vous propose, c'est deux créations. La première, 8041, c'est un titre qui correspond exactement à la durée de cette pièce. Thank you. Thank you. Alors, on vient d'entendre de l'audio, de la sono bien cuisinée, pour reprendre les termes du collectif I Lost the Fish. Alors, pour plus d'infos sur ce groupe, sur ce CD, on peut retrouver de l'information sur l'étiquette Merle, Merle au singulier, .ca. Alors, vous allez retrouver, c'est une étiquette qui est animée, je dirais, par Jocelyn Robert et Diane Landry. Je vous rappelle qu'on peut retrouver tout le détail des pièces qui sont présentées à l'accroche-oreille sur le site de l'accroche-oreille, qui est l'accroche-oreille.wordpress.com. Vous pouvez aussi retrouver de l'information, le podcast notamment, sur le site de CKRL 89,1. Alors, je vous invite de passer faire votre tour. Pour voir un peu de quoi il en retourne. Maintenant, on complète l'émission avec une autre pièce du collectif I Lost de Fish qui s'intitule 1417. Encore là, pardonnez mon anglais, un titre de pièce qui correspond encore une fois à la durée de la pièce. Alors, on y va. Thank you. Alors, c'est ainsi que se termine la croche-oreille pour cette semaine. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Et puis, en attendant, ben, écoutez les sons autour de vous. Cette émission est disponible en balado-diffusion. La croche-oreille vous a été présentée par Avatar, le centre d'artistes en art audio et électronique.